Bonsoir mec, ça va bien chef ou quoi? Bonsoir jeune homme, ça va et toi? Alors dis-moi, qu'est-ce que je te sers ce soir? Barman resserre-moi, un dernier pour la route. Tristesse et galère, faut que je les oublie toutes. J'en ai ras la casquette, j'en ai plus rien à foutre. Mon cœur cicatrise pas, sous mon cœur y'a plein de croûtes. Elles disent qu'elles m'aiment moi, puis je n'écoute que des putes. 23 ans de soucis, dire que dans la vie j'ai des putes. Ma vie un match de foot, j'en ai encaissé des putes. Cette vie je l'ai pris en le prêt, sans apprendre à la connaître. Parce qu'entre terre elle a touché, toujours relevé la tête. À la frontière en bas arrière, jamais tonné mon derrière. Un cœur aussi grand que Seb, jusqu'en 34 on l'entend pas. T'as qu'à demander à Sam si dans ma vie y'a pas eu de trame. Bientôt elle va changer, Inch'Allah, mais dis-me la dit. Steph et Pierrot sont là, les frérots je les remercie. La famille, tous mes amis, y'a aussi Ravestifi. Cyril, y'en a que j'oublie, car c'est le bordel dans ma vie. Trop de manque et de soucis, de besoin et d'envie. J'suis malade, pas comme ce petit, bloqué dans son lit. Je suis triste, mais j'ai de la chance de ne pas vivre dans la zermie. J'ai mal au ventre, mais j'ai cette chance de ne pas vivre dans la famille. Malheureusement, quand ça va pas, on oublie tous ces détails. On se dépense à n'importe quoi, du moment qu'on est taille. J'ai que mes ennuis restent là, pourtant j'ai vidé cette taille. Je sais, je le sais, mais barman, faut que tu me resserres. Barman, resserre-moi, dernier pour la route. Tristesse et galère, faut que je les oublie toutes. J'en ai rien à la casquette, j'en ai plus rien à foutre. Mon cœur cicatrise pas, sous mon cœur y'a plein de croûtes. Barman, resserre-moi, dernier pour la route. Tristesse et galère, faut que je les oublie toutes. J'en ai rien à la casquette, j'en ai plus rien à foutre. Mon cœur cicatrise pas, sous mon cœur y'a plein de croûtes. Salut jeune homme, moi c'est Mounia, alors je te sers quoi ce soir? Ben comme d'hab, un triple Jack Biatch. Et si t'as des soucis, reste poli. Nique ta mère, sale pute. Yeah. Ce soir il faut que j'oublie, serveuse resserre mon corps. Serveuse c'est sexy, mais je ne vois pas de cœur. Au-dessus de ton jean, je ne vois que ton string. Ça me rappelle mon ex-copine devenue trop coquine. Avec elle, tant de temps passé, passé à côté de la vie. Pas à côté du whisky, ce qui m'a détruit comme pas permis. Alors il vient comme en verre, sans glace, sans coca, la vie m'encule à sec. Mec, tu sais que j'ai jamais trempé personne. À part mon verre avec un pet, jamais trahi des potes, mais c'est eux qui me l'ont fait. Est-ce que la vie me carotte, ça, j'en sais rien en fait. Alors je fais la fête, sans attendre le week-end. Et si la vie, je la quête, c'est que dans le fond, je l'aime. Si ce sont tout reflète, c'est qu'on a connu la même. Nos défaites seront victoires, je lève mon verre à la tienne. Nos défaites seront victoires, je lève mon verre à la tienne. Barman, resserre-moi, un dernier pour la route. Tristesse et galère, faut que je les oublie toutes. J'en ai ras la casquette, j'en ai plus rien à foutre. Mon cœur cicatrise pas, sur mon cœur y'a plein de croûtes. Barman, resserre-moi, un dernier pour la route. Tristesse et galère, faut que je les oublie toutes. J'en ai ras la casquette, j'en ai plus rien à foutre. Mon cœur cicatrise pas, sur mon cœur y'a plein de croûtes. Oh, ouais. Barman, resserre-moi, un dernier pour la route, dernier pour la route, dernier pour la route, dernier pour la route, dernier.